Si je regarde autour de moi, j'ai dû rentrer très tard. Qu'est-ce que j'ai pu faire hier soir? Il y a des choses que jamais je n'ai vues dans mon lit. Qu'est-ce que j'ai fait cette nuit? Il y a un collant sur le fauteuil, un slip sur ma guitare, un caniche dans ma baignoire. Moi qui me parfume au tabac, je sens le patchouli. Qu'est-ce que j'ai fait cette nuit? J'ai des courbatures et ça cogne dur dans ma tête. Moi qui vis tout seul, qui bois du tilleul, ça m'inquiète. Si je regarde autour de moi, j'ai dû rentrer très noir. Qu'est-ce que j'ai pu faire hier soir? Après 11h, 11h30, je n'ai plus d'alibi. Mais qu'est-ce que j'ai fait cette nuit? Dans la cuisine, c'est la tempête. Ça fume encore sur la moquette. Avant que sonne la retraite, j'ai dû me battre longtemps. C'est tout de même pas mon traversin qui bouge dans le noir. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire hier soir? En tous les cas, si c'est bien lui, il est drôlement joli. Mais qu'est-ce que j'ai fait cette nuit? Laissons-la dormir, je vais retenir ma tendresse. Quand je vais rentrer, elle m'aura quitté sans adresse. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire hier soir?